de Victor Hugo, Guitare, du recueil Les rayons et les ombres. Les rayons et les ombres, recueil Ollendorf, 1909. Guitare. Gastilbelza, l'homme à la carabine, chantait ainsi. Quelqu'un a-t-il connu Doña Sabine? Quelqu'un d'ici? Dansez, chantez, villageois, la nuit gagne le mont Falou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Quelqu'un de vous a-t-il connu Sabine, ma señora? Sa mère était la vieille Mograbine d'Antequera, qui chaque nuit criait dans la tourmagne comme un hibou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Dansez, chantez, des biens que l'heure envoie, il faut user. Elle était jeune, et son œil plein de joie faisait penser. À ce vieillard qu'un enfant accompagne, jetez un sou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Vraiment, la reine eut près d'elle était laide, quand, vers le soir, elle passait sur le pont de Tolède, en corset noir. Un chapelet du temps de Charlemagne ornait son cou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Le roi disait, en la voyant si belle, à son neveu, pour un baiser, pour un sourire d'elle, pour un cheveu, « Infant d'Henri, je donnerai l'Espagne et le Pérou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. » Je ne sais pas si j'aimais cette dame, mais je sais bien que pour avoir un regard de son âme, moi, pauvre chien, j'aurais gaiement passé 10 ans au bagne, sous le verrou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Un jour d'été, que tout était lumière, vie et douceur, elle s'en vint jouer dans la rivière, avec sa sœur. Je vis le pied de sa jeune compagne, et son genou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Quand je voyais cet enfant, moi le pâtre de ce canton, je croyais voir la belle Cléopâtre, qui, nous dit-on, menait César, empereur d'Allemagne, par le Licou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Dansez, chantez, villageois, la nuit tombe. Sabine, un jour, a tout vendu, sa beauté de colombe et son amour pour l'anneau d'or du comte de Saldagne, pour un bijou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Sur ce vieux banc, souffrez que je m'appuie, car je suis las. Avec ce comte, elle s'est donc enfuie, enfuie, hélas. Par le chemin qui va vers la Cerdagne, je ne sais où. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Je la voyais passer de ma demeure, et c'était tout. Mais à présent, je m'ennuie à toute heure, plein de dégoût. Rêveur oisif, l'âme dans la campagne, la dague au clou, le vent qui vient à travers la montagne m'a rendu fou. Illustration musicale Aeris de Pascal Krieg sous licence BYNCND 3.0 FR édité par Musique Libre CC.